Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois les portraits d'un scientifique à travers des interviews réfléchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques, parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Elena et voici la seconde partie de mon entretien avec Bernold Hasenkopf. Du coup, merci de nouveau, monsieur Bernie, pour avoir accepté prendre cette interview. Bonjour, merci de vous revoir. Donc, dans cette seconde partie, on va s'intéresser à votre rapport à l'éducation et j'aimerais commencer par la notion de choix. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu le choix pendant votre parcours scolaire? Oui, définitivement. J'étais dans une situation peut-être privilégiée, mais définitivement, j'ai toujours eu le choix de ce que je voulais faire. Et j'ai aussi le sentiment que j'ai pu choisir autre chose. Donc, dans la première partie, j'ai déjà raconté qu'initialement, je voulais faire de la médecine. Après, j'ai changé pour faire de la chimie. Donc oui, il y avait des changements de choix. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Ensuite, aussi dans la première partie, pour faire un petit peu un parallèle, on parlait des échecs et des réussites. Est-ce que la visée de l'excellence a fait partie de votre parcours? Et si oui, à partir de quel moment? D'accord. Excellence, évidemment, en tant qu'étudiant, élève, étudiant, etc., je n'ai pas pensé avec ce vocable-là. Ça, oui. C'est plutôt un vocable qui vient de la politique, des systèmes administratifs, etc. Par contre, j'ai toujours été ambitieux et j'ai toujours voulu être très bon. Donc, j'étais pas forcément dans toute ma scolarité, mais il y avait des moments de ma scolarité où j'étais très bon. Il y avait des moments d'ailleurs où j'étais moins bon. Mais globalement, j'ai fait un très bon bac. J'ai réussi, je l'ai déjà dit aussi la dernière fois, à avoir une très bonne mention à la fin de mon premier cycle. Donc, oui, j'ai été ambitieux pour bien réussir ce que j'aimais bien faire. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous savez ou si vous sentez, d'où exactement est-ce que ça vient, cette force, cette pouvoir de continuer, d'être meilleur chaque jour? Oui, bien sûr. Ça vient du fait que j'aimais ce que je faisais. Donc, oui. J'avais effectivement pu choisir des études qui me plaisaient. Oui. Et donc, du coup, automatiquement, je voulais faire bien ce que j'aimais faire. Oui, donc du coup, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, donc il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, et après, on a automatiquement envie de bien faire. Du coup, il y a souvent cette pression qui peut être ressentie. Pour vous, cela a plutôt été un moteur ou un frein pour l'apprentissage? Cette pression de toujours être bon, être... La pression, donc, encore une fois, je n'ai pas souffert d'une pression extérieure d'être bon. J'ai pu, comme je l'ai mentionné, effectivement être un peu fâché quand quelqu'un pense que je ne suis pas bon, mais ce n'est pas de la pression. Donc, la pression, elle venait de moi-même, donc je l'ai gérée moi-même. Ça ne posait pas de problème. Et si vous pouvez faire un petit parallèle entre vous et les étudiants que vous enseignez, entre leur attitude envers les études et envers leur parcours qu'ils ont et la vôtre, vous direz quoi? Mon parcours à moi m'a appris très tôt que c'est très difficile de prévoir l'avenir. Et si on a un peu le temps, je vais raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé à faire mes études de chimie, on m'a félicité parce qu'à l'époque, l'industrie chimique en Allemagne était très forte, très haute, a beaucoup embauché. Et donc, comme vous savez, la famille, les tantes, les oncles, etc. Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, de la chimie. Ah ben oui, tu as fait un bon choix parce que là, tu vas trouver du boulot. Je n'avais pas fini mon premier cycle, qui à l'époque était de 2 ans. Il y avait une crise économique de l'industrie chimique. Ils ont arrêté net les embauches. Tout d'un coup, tout le monde autour de moi m'a dit « Oulala, qu'est-ce que tu vas devenir? T'as commencé de la chimie, c'est très mal. » Et effectivement, le nombre d'étudiants en chimie en Allemagne a chuté drastiquement quand j'étais engagé. Au point que certaines petites universités étaient au point de fermer leur département de chimie. Tout ça, c'était il y a bien longtemps, à la fin des années 80. Sauf que des études de chimie, ça prend 10 ans. Donc, 10 ans plus tard, évidemment, cette crise de l'industrie, elle était largement dépassée et l'industrie chimique essayait d'embaucher à nouveau. Mais il n'y avait personne sur le marché du travail puisque les gens n'ont pas commencé leurs études 10 ans plus tôt. Donc, moi, ça m'a vraiment appris que cette idée, il faut que je fasse des choix parce que c'est utile pour rentrer sur un poste, parce que le marché du travail, j'ai appris que c'était tellement fluctuant, tellement peu prévisible, qu'il vaut mieux que je m'engage sur une voie qui me plaît, sur une voie où j'ai envie de travailler, et avec suffisamment de flexibilité et d'adaptabilité pour éventuellement changer un peu, si ça se trouve, mais surtout pas avec cette idée, je fais maintenant un choix parce qu'après ça va donner quelque chose. On ne peut pas choisir une entrée vers les études au niveau bac et être sûr qu'à la sortie, c'était le meilleur choix parce que c'est là où il y a les postes. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des choses qui sont totalement aberrantes, etc. Je ne sais pas, mais globalement, faites ce que vous voulez faire. Et restez suffisamment ouvert, il ne faut pas rester borné non plus. Donc si on reste borné, évidemment, ça ne marche pas nécessairement. Mais faites d'abord ce que vous voulez faire et restez suffisamment ouvert pour éventuellement s'adapter si ce qui est le plan A ne marche pas, donc pour avoir un plan B. Pour parler un petit peu plus de l'éducation, quel autre élément est-ce qu'on participait à votre éducation? Mais là, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre parcours au lycée, qui vous amenait à faire les choix pour votre métier plus tard. Par exemple, les activités extrascolaires, les compétences que vous avez développées, la conscience que peut-être le lycée, votre professeur au lycée vous l'ont donné. C'est certainement une expérience internationale qui m'a fortement marqué. Pour la première chose, et il y a une deuxième chose dont je vais parler après. Quand j'étais à la fin du collège, mon prof d'anglais a dit « Bon, il y a des possibilités de partir un an aux États-Unis, qui a envie de le faire ?» J'aimais pas mon prof d'anglais, donc j'étais mauvais en anglais, donc c'était sûr que j'allais pas partir aux États-Unis. Par contre, l'idée de partir un an à l'étranger me plaisait. Et du coup, je suis parti après le collège et avant de rentrer au lycée pendant un an en France. Et j'étais en classe de seconde dans un lycée français, tout seul, sans ma famille. Je me suis retrouvé à Béthune. Et ça, c'était une vraie expérience, une vraie expérience culturelle. Donc, c'était dans les années, début des années 80, fin des années 70. Et il faut se rendre compte qu'à l'époque, quand je rentrais dans une boulangerie, avec le peu de français que je parlais et le fort accent allemand que j'ai, les gens reconnaissaient tout de suite que j'étais allemand. Ils m'ont dit « Ah, vous êtes allemand ?»« Ah oui, l'Allemagne, mon père est mort dans la guerre, ou mon oncle est revenu blessé, ou mon frère était prisonnier, etc. » J'étais à ce point-là confronté avec la Deuxième Guerre mondiale que ça m'a certainement marqué. Les gens ne voulaient pas à moi. Mais c'était quelque chose qui m'a marqué et c'est quelque chose qui est toujours très très important pour moi. Merci. Si vous me donnez un peu le temps, je peux vous donner une autre expérience qui m'a certainement marqué aussi, c'est mon service civil. Donc entre le bac et mon début des études, j'ai fait un service civil pour ne pas aller à l'armée, entre autres parce que j'ai fait cette expérience à Béthune dont je viens de parler. Et je l'ai fait dans une école élémentaire, et donc avec des enfants entre 3 ans et 6 ans. Et donc là, j'ai beaucoup appris sur moi, comment animer un groupe et comment se comporter par rapport au groupe, comment être très clair avec les instructions, etc. Quelque chose qui m'a certainement beaucoup aidé pour la pédagogie ensuite avec des enfants, c'est-à-dire des étudiants beaucoup plus âgés. Mais où finalement, il faut quand même respecter un certain nombre de règles pour que ça marche bien. Vous avez dit que le service civil vous a permis de vous connaître vous-même. Oui. Vous pensez que c'est important de se connaître soi-même avant de soit aussi enseigner les autres, mais aussi, je pense, moi, je vois la chimie, c'est un petit peu une science qui essaie de comprendre le monde. Donc, du coup, vous pensez que pour un chimiste, même pour un chercheur, un scientifique, c'est important de se connaître soi-même pour arriver à connaître le monde qui l'entoure? Oui, oui, définitivement oui et oui. Ça aussi, c'est mon avis personnel. Je suis convaincu d'une approche réflexive par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire ne pas le faire parce qu'on sent que c'est bon, mais parce que, d'une manière ou d'une autre, on a lu, on a discuté, on a réfléchi sur ce qu'on est en train de faire et on a acquis la certitude que ce qu'on est en train de faire, c'est bien. Donc cette approche réflexive, pour moi, est très très importante, oui. Merci beaucoup. Du coup, y a-t-il des conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui entame ou qui est en plein train d'un parcours scientifique? Donc, en plus de ce que j'ai déjà dit, restez avec un esprit suffisamment ouvert et faites ce que vous avez envie de faire. Je pense aussi que bon, les sciences, il faut les regarder d'une manière large. Donc, par exemple, je suis chimiste, mais je pense que c'est important que je regarde aussi ce qui se passe en biologie, qu'est-ce qui peut se passer en physique, etc. Et d'être capable de discuter avec les gens d'autres disciplines scientifiques, y inclut d'ailleurs des sciences qui ne sont pas des sciences dures, comme on les appelle souvent en français. Donc, physique, chimie, biologie, etc. Mais plutôt vers les humanités. Donc là aussi, il y a des choses à faire. Et donc, il faut avoir cet esprit ouvert aussi vers ça et être capable de travailler avec eux et avoir un esprit aussi suffisamment flexible pour regarder ce qui arrive de nouveau et l'intégrer dans ce qu'on fait déjà. Là, je pense par exemple à l'intelligence artificielle actuellement qui, à mon avis, va aussi bouleverser ce qu'on fait en chimie. Oui, c'est vrai. Vous pensez que ça va influencer dans quel sens? Dans un sens bon ou mauvais, en fait, ben, ça dépend ce qu'on en fait. Donc, si on veut que ça soit un bon sens, ben, il faut que les chimistes y mettent et l'intègrent pour que ça soit un bon sens. Et du coup, vous avez mentionné aussi les sciences humanistes. Vous pensez que, du coup, qu'ils ont une influence, mais dans quelle manière? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Donc, par exemple, l'acceptabilité de la chimie. La chimie dans la société est toujours vue comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose de toxique, oui, comme exactement. Quelque chose qui est menaçant pour notre société. Ce qui d'ailleurs n'est pas complètement faux. Il y a des choses dans la chimie qui sont très menaçantes, mais en même temps, la chimie apporte aussi de bonnes choses. Finalement, tout notre environnement est chimie, et sans chimie, ça ne marcherait pas. Donc, je peux, en tant que chimiste, expliquer ce que c'est la chimie et comment fonctionnent les réactions, etc. Par contre, on a besoin aussi des gens qui sont plus capables des sociologues qui sont capables d'expliquer ce qui se passe dans la société, des gens qui sont plus capables d'exprimer la culture et être vecteur de ça. Donc, il faut travailler avec eux. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pensez que les rencontres, ils ont également un rôle important dans l'éducation? Et du coup, est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui a joué un rôle très important dans votre parcours? Dans mon parcours professionnel scientifique, mon directeur de thèse, oui. Certainement. Quelqu'un de très important. D'un point de vue esprit, il m'a formé à son école. Hein, donc je me revendique de l'école de Jean-Marie Laine. Donc ça, c'est très important. Après, il y avait d'autres personnes qui m'ont ouvert des portes dans ma carrière professionnelle. Pierre Gouzère, qui m'a embauché à l'université Pierre et Marie Curie. Disons, c'est pas lui qui embauche, mais c'était le chef de l'équipe dans laquelle j'ai atterri. Max Malécria, qui a fait en sorte que j'ai eu une promotion de professeur quelques années après. Donc ça, c'est des personnes qui étaient importantes sur le parcours. D'un point de vue esprit, c'est certainement mon directeur de thèse. Merci beaucoup. Maintenant, pour nos écouteurs et nos écoutrices, comment en fait vous pourrez encourager les gens à poursuivre des carrières scientifiques et en particulier la chimie? Les encourager je ne sais pas si j'ai envie d'encourager quelqu'un de, particulièrement de faire de la chimie s'il n'a pas du tout envie de le faire de la chimie. Donc je ne veux pas convaincre quelqu'un que la chimie est mieux qu'autre chose. Mais si quelqu'un s'intéresse aux sciences, à former, à produire, à créer lui-même l'objet de son étude, à ce moment-là, la chimie est certainement une bonne branche scientifique, parce qu'encore une fois, on travaille au laboratoire, on travaille au laboratoire de synthèse, et on prend différents produits, on peut les mélanger, on obtient des nouveaux produits, donc on a vraiment cet objet de son étude qu'on a créé soi-même. Donc ça, c'est une satisfaction qui, à mon avis, n'existe pas dans toutes les autres sciences, qui sont plus en prenant ce qui existe en nature, voire plus théorique éventuellement. Donc ça, c'est un aspect de la chimie, mais ça ne veut pas dire que toutes les chimistes font de la synthèse, hein, loin de là. Il y en Oui. a qui font autre chose. Merci beaucoup. Du coup, on termine sur cette belle notion. Merci d'avoir partagé avec nous votre rapport à l'éducation et aux sciences. Avez-vous des réseaux sociaux ou des sites internet que vous souhaitez partager et sur lesquels on peut vous retrouver? Vous pouvez me retrouver bon, sur Internet. Il y a un site Internet que je ne maintiens pas à jour de mon institut de recherche, Institut parisien de chimie moléculaire. Je suis sur LinkedIn, donc on peut trouver mon profil et mon CV sur LinkedIn. Et j'ai l'habitude de tweeter de temps en temps sur mes activités professionnelles, notamment maintenant quand je suis en déplacement dans toute l'Europe pour notre université. Merci beaucoup. Du coup, merci encore à Bernard Hazenkopf d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Voix de la Science. J'espère que vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode. À bientôt dans les Voix de la Science. Merci aussi.